Le maréchal Kim Jong-un a envoyé comme présent les matériels roulants au Palais des sciences et techniques et à la résidence des hommes scientifiques. Le service de remise des présents ont eu lieu respectivement les 22 et 23 courants. Y ont pris part Choi Tae-bo, vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée, les cadres intéressés, les cadres et les personnels du Palais des sciences et techniques et de la résidence des hommes scientifiques.